ta ville. Est-ce que tu es vraiment sûr de ne pas leur ressembler? As-tu déjà oublié que tu étais un étranger? Tu es né dans ce pays, mais tes parents sont immigrés. As-tu déjà oublié? Nous sommes tous des étrangers, toi et moi des étrangers. Pas la peine de montrer ta carte d'identité. Pas la peine de te cacher parce que t'es un étranger. Nous sommes tous des étrangers, regarde donc autour de toi. Et lui et toi et moi, nous sommes tous des étrangers. Car pour nous y'a pas de place dans aucune de vos races. Nous sommes tous des étrangers, étrangers à leur connerie. Eux ils ne comprennent pas, mais toi tu sais de quoi je parle. Nous sommes quoi? Étrangers, étrangers. Je suis quoi? Étranger. Tu es quoi? Étranger. Nous sommes quoi? Étrangers, étrangers. Nous sommes tous des étrangers, toi et moi des étrangers. Pas la peine de me montrer ta carte d'identité. Pas la peine de te cacher, et parce que t'es un étranger. Nous sommes tous des étrangers, regarde donc autour de toi. Elle est lui et toi et moi, ouais, nous sommes tous des étrangers. Car pour nous y'a pas de place dans aucune de vos races. Nous sommes tous des étrangers, étrangers à leur connerie. Eux ils ne comprennent pas, mais toi tu sais de quoi je parle. Je suis quoi? Étranger. Tu es quoi? Étranger. Nous sommes quoi? Étranger.